le censeur Caton, du IIe siècle avant notre ère, est le symbole de la vertu dans la République romaine. Les écrivains qui ont traité des habitudes et des mœurs du peuple romain nous apprennent que les femmes du Latium et de Rome devaient être toute leur vie abstémiae, c'est-à-dire s'abstenir de vin. De là, l'usage de donner le baiser à leurs parents. Si l'odeur les trahissait, elles étaient réprimandées. Marcus Caton avance même que pour avoir bu du vin, non seulement elles étaient censurées, mais condamnées par les juges avec non moins de sévérité que si elles avaient commis une action honteuse, un adultère. On lit, dans un traité de Marcus Caton, intitulé « Sur la dot », que l'homme peut donner la mort à sa femme surprise en adultère. L'homme, dit-il, à moins d'un divorce, est le juge de sa femme et remplit à son égard l'office de censeur. Il a sur elle un pouvoir illimité. Si elle commet quelque chose de répréhensible, de honteux, il a puni. Si elle a bu du vin, si elle a reçu les caresses déshonnêtes d'un étranger, il la condamne. Quant au droit de la faire périr, voici ce qu'il dit. Si tu surprends ta femme en adultère, tu peux impunément la tuer sans forme de jugement. Mais si elle te surprenait en adultère, elle n'oserait te toucher du bout du doigt, car elle n'en a pas le droit.